Le Flash, Lionel Thompson. Un collectif a adressé pendant l'été au défenseur des droits, Jacques Toubon, 68 réclamations contre des violences policières commises lors des manifestations du printemps contre la loi travail, apprend-on ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, invité de France Inter ce matin, a répondu que des sanctions très significatives ont déjà été prises contre des policiers. Il s'est engagé à communiquer dans la journée le nombre de policiers sanctionnés. Les syndicats opposés à la loi travail appellent à une nouvelle journée nationale de manifestation demain pour obtenir son abrogation. En Lorraine, les 220 employés de FVM Technologies, un sous-traitant de Renault placé en redressement depuis décembre dernier, ont mis fin aujourd'hui au mouvement de grève qu'ils menaient depuis deux jours. Les salariés ont obtenu des garanties de la part du constructeur automobile, notamment sur le futur repreneur de l'entreprise, selon un représentant du syndicat FO. Alors que l'État tente de sauver l'usine historique d'Alstom à Belfort, promise à la fermeture par la direction du groupe, les députés et sénateurs du Front de Gauche réclament un débat parlementaire sur la politique industrielle de la France. De son côté, Jean-Pierre Chevènement, ancien maire de Belfort et invité ce matin de nos confrères de France Info, suggère lui que l'État renforce sa participation au capital d'Alstom jusqu'à atteindre la minorité de blocage pour, dit-il, retrouver confiance dans la direction du groupe. Discours sur l'état de l'Union européenne de Jean-Claude Juncker ce matin devant le Parlement européen de Strasbourg. Le président de la Commission européenne propose de doubler le plan d'investissement pour relancer la croissance européenne de 315 à 630 milliards d'euros d'ici 2022. Jean-Claude Juncker a également affirmé que le Brexit ne menaçait pas l'existence de l'Union et indiqué que toute entreprise présente en Europe doit payer des impôts là où elle réalise des profits. Allusion à l'amende infligée récemment par l'Union européenne au groupe américain Apple. 7 départements du sud-est de la France, l'Aveyron, la Lozère, le Gard, l'Hérault, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont toujours en alerte à cause des orages ce matin. Hier, Météo France a relevé près de 70 000 impacts de foudre à travers le pays. Les orages qui ont traversé la France ont provoqué de nombreux dégâts et 120 000 foyers sont privés d'électricité aujourd'hui. Le procès de Jérôme Cahuzac se poursuivra cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris avec le réquisitoire. L'ancien ministre du budget poursuivi pour fraude fiscale encourt une peine maximum de 7 ans de prison et jusqu'à 1 million d'euros d'amende. Shimon Peres est toujours en soins intensifs dans un état grave mais stable. L'ancien président israélien et prix Nobel de la paix a fait un accident vasculaire cérébral hier. Son médecin estime que ses chances de survie sont plutôt bonnes. Âgé de 93 ans, Shimon Peres est le dernier survivant de la génération des pères fondateurs d'Israël et l'un des principaux artisans des accords de paix d'Oslo de 1993. Michel Platini lui a fait ce matin son discours d'adieu aux dirigeants de l'UEFA réunis à Athènes. « Ma conscience est tranquille, je suis certain de ne pas avoir commis la moindre faute », a notamment dit l'ancien footballeur vedette et président déchu de l'UEFA. Il est suspendu 4 ans par la FIFA pour avoir reçu 1 800 000 euros de Joseph Blatter. Le successeur de Platini à la tête du foot européen doit être désigné ce matin. Ce devrait être Alexander Seferin, un Slovène, ou Michael Van Praag, un Néerlandais. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Tous les jours, retour sur l'un des grands événements qui ont marqué ces 50 dernières années. The Pentagon reissued its threats. Le Pentagone a réitéré ses menaces contre moi en septembre et a affirmé que l'existence même de Wikileaks, c'était un crime commis en plein jour. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, 2010, l'affaire Wikileaks, quand le site dirigé par Julian Assange publie des documents secrets de l'armée américaine. Affaires sensibles. Quand l'histoire éclaire l'actualité, c'est sur France Inter, tous les jours, du lundi au vendredi de 15h à 16h. Avec l'UFC Que Choisir, réduisez vos factures de gaz ou d'électricité. Inscrivez-vous sur choisirensemble.fr. Je me suis inscrite il y a 2 ans pour le gaz et j'ai économisé plus de 200 euros sur 1 an, avec en prime un contrat sûr et l'accompagnement de l'UFC Que Choisir. Au début, j'étais méfiant. Mais c'est simple, avec à la clé de sacrées économies. Cette année, je m'inscris aussi pour l'électricité. Avec l'UFC Que Choisir, mobilisons-nous. Soyons plus pour payer moins. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement sur choisirensemble.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Don Juan de Molière. Mise en scène par Jean-François Civadier avec Nicolas Bouchaud à partir du 14 septembre à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Un Don Juan irrésistible, inimitable, inépuisable, insaisissable. Revisité par Jean-François Civadier, le libre chef-d'œuvre remis à neuf et à nu, fidèle au génie de Molière. Retrouvez Don Juan dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. 11h05, bonjour Nagui, avec Ken Kojandi, entre autres ce matin. Et vous savez tout Lionel, mais c'est normal, c'est votre job en même temps. Lionel Thompson sait tout, il reviendra vous le prouver tout à l'heure à midi pour d'autres infos, à tout à l'heure. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadouroudadi. Bonjour à tous. Tom Villa. Bonjour. Pierre-Emmanuel Barré. Oh, prévenez vos voisins. Richard Lac, nous aurons en live LP, une chanteuse américaine qui a une voix incroyable, vous l'entendrez en acoustique, guitare, voix, et notre invité Ken Kojandi. Bonjour. Bienvenue Ken, bienvenue, merci, merci, ravi de vous accueillir. Est-ce que vous connaissez LP? Pas encore. LP, écoutez ça. Is it only when you feel the pot is empty? Elle va nous chanter guitare-voix tout à l'heure et vous découvrirez dans l'interview qu'elle a notamment écrit des chansons pour Rihanna, pour Christina Aguilera et autres. Ouais, c'est une... Elle est blindée quoi. Ah, elle va bien. Il faut expliquer, on parlait aux auditeurs juste avant de démarrer l'émission des impôts. Voilà. Et on parlait des impôts et donc en effet, mais entre je crois qu'elle n'a pas trop de problèmes. Pourquoi tu mens entre... Ah oui, oui, ça, mais ça on ne peut pas le dire. Et en plus, elle est américaine donc je ne pense pas que le taux d'imposition soit exactement le même aux États-Unis et en France. Bref, on n'est pas là pour parler ça. Exactement le même service de santé non plus. C'est vrai. C'est vrai. Il faut toujours relativiser. Et ils n'ont pas Donald Trump. Ils l'ont. On en a d'autres. Ken Kojandi est notre invité parce qu'il reprend son spectacle. Il le poursuit même ce spectacle jusqu'au jour où il le rattrapera. Pulsion, c'est du 15 septembre. Ça commence donc demain. Oui. Et vous avez extrêmement détendu pour quelqu'un qui recommence tout demain jusqu'à fin octobre, voire plus si affinité. Ouais, parce qu'en fait, il n'ira pas. non, je suis super heureux. Ouais, c'est super, ouais, ce spectacle et les premiers retours qu'on a eu, les gens qui sont venus, ça m'a bien détendu, ça me fait du bien et je suis très content du propos que j'ai. Alors nous on a eu la chance et le plaisir d'aller vous applaudir avec Leïla, c'était extrêmement bien, on va en reparler. Tom Villa, est-ce que vous qui connaissez Ken évidemment pour d'autres raisons que professionnelles Oui mais on a dit juste, on avait dit pas à l'antenne. Non. Savez-vous pourquoi tu nous l'avons invité? La ferme Morandini n'a pas été jugée encore. Faux con toi-même. Alors oui bien sûr Nagui, j'ai compris pourquoi nous avons invité Ken Kojandi, parce qu'il y a enfin quelqu'un de moins de 35 ans qui a accepté de venir dans notre studio. Notre invité ce matin a une barbe, une calvitie et beaucoup d'humour. Ce n'est pas Daniel Morin, c'est Ken Kojandi qu'on peut applaudir très très fort. Ken Kojandi, alors si son nom ne vous dit rien, on le redit, voilà, c'est le mec de Bref. Voilà, je trouve le concept à la fois génial et terrifiant. T'es extrêmement connu, mais les gens ne connaissent pas ton nom. C'est une sorte de Daft Punk qui n'a pas eu les thunes pour acheter un casque de moto. Non mais c'est vrai, tiens par exemple, Leïla, tiens, j'ai croisé Ken Kojandi. Qu'est-ce ça ? Mais si, le mec de Bref. Voilà, là ça marche. Par exemple, mais vous n'êtes pas le seul, Ken. Par exemple, Leïla, j'ai croisé André Bouchet. Qui ça ? Mais si, Passe-Partout. Tu vois ? Mais si, c'est ça marche. Gentil. Mais si, pour Passe-Partout en tout cas. Bon, après, l'avantage, c'est que Ken Kojandi, tu retiens. Il y a peu de chances d'en recroiser un dans sa vie en France. Et comme vous, personne n'a jamais croisé un autre Nagui que Nagui. Vous en connaissez ? Il y en a un peu, mais il y en a. Voilà. Bon, bref, on va pas faire toute la chronique sur les prénoms. Dans la mode, notamment. Je savais pas qu'il y avait un milieu professionnel spécialement. Non, mais j'en connais dans la mode. Et dans le champagne. Non, surtout dans les arabes, quoi. Il y a un moment. Oui, mais enfin bon, ça, tu peux faire autre chose qu'être arabe dans la vie, tu vois. Oui, ouais, c'est vrai. J'ai eu un dealer qui s'appelait Nagui. C'est vrai. Bon, bref, on va pas faire toute la chronique sur les prénoms. Oui, j'ai dit bref. Et c'est problématique parce que depuis la série, on n'a plus le droit de dire bref sans passer pour un ringard. Et surtout, on n'a plus le droit de dire bref. Parce que Ken l'a déposé à la SACEM et qu'à chaque fois qu'on dit bref, il gagne de l'argent. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est pour. Tiens, par exemple, c'est pour payer ton resto de ce midi. Bref. Voilà. Je vais prendre un dessert. Bref. Merci. Ken, c'est la preuve vivante qu'on peut avoir du succès tout en restant le même. C'est vrai, il n'a pas changé. Dans Bref, vous jouiez un mec obsédé de la branlette, les filles et de la glande. Dans votre spectacle Pulsion, vous nous racontez vos pulsions de branlette, de filles et de glande. Finalement, le succès, ça ne remplace pas une porn. D'ailleurs, dans le spectacle, vous dites que la masturbation est un sujet tabou. Et évidemment que c'est un sujet tabou, c'est un sport solitaire, c'est comme le cerf-volant. À vivre, c'est génial, mais c'est nul à raconter, tu vois. Je vous rassure, je ne vais pas parler de branlette à 11h du matin sur France Inter. Et... Si, ça m'intéresse. Un petit peu, quand même. Par exemple, il y a une petite partie sur la masturbation dans le spectacle. Le plaisir solitaire, comme le dit Leïla. Oui. Faire pleurer le petit singe, comme dit Nagui. ou ma seule histoire d'amour, comme dirait Pierre-Emmanuel. Chacun sa vision. Ouais. Mais non, mais vous ne parlez pas que de branlette, vous parlez aussi des filles, d'amour et de cimetière. Alors, je rassure l'auditeur, il parle de masturbation, d'amour et de cimetière, mais pas en même temps. C'est un spectacle familial, c'est pas le biopic de Francis Holm. Non, juste un conseil quand même. Moi, j'ai vu le spectacle qui est formidable, mais n'allez pas le voir en couple. Parce qu'après, c'est obligé, votre femme va vous poser des questions, vous allez être obligé de vous justifier. C'est comme il y a quelques temps, ma copine m'a chopé en train de regarder du porno, et elle était choquée, et moi j'étais choqué qu'elle soit choquée, parce que chacun a le droit de regarder ce qu'il veut dans l'avion. Et parce que pour elle, le porno, c'est un peu comme si je la trompais. Mais je lui dis que non, je la trompais pas du tout, parce que si un jour je la trompais exactement comme dans le film porno, il y a peu de chances que dans la vraie vie, ça soit avec des jumelles japonaises au bord d'une piscine à Miami. Tout simplement parce que je connais pas de mec qui a une piscine à Miami. Mais bon, ouais, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mes pulsions. C'est le spectacle de Kian Kojandi. Si vous aimez Kian Kojandi, la masturbation, les filles et les cimetières, mais pas en même temps, Pulsion est fait pour vous. Merci, merci. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Ça commence en effet le 15 septembre, donc demain, et ce jusqu'au 29 octobre à l'Européen, là où vous aviez déjà rodé ce spectacle avant l'été. Et puis ça continuera ensuite, il y a une tournée à Marseille, Lyon, Metz, Luxembourg. On passe toujours par des pays. À la fin d'une tournée, on passe toujours par Luxembourg. C'est bizarre. Hein. Non, parce que lui, il fait Luxembourg, après Genève, comme ça, vraiment, s'il n'a pas tout déposé au Luxembourg, il dépose à Genève. Que c'est vous qui lui avez donné le parcours. Et après, il revient à Dijon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, bref, cette tournée va jusqu'au mois de décembre, comme l'a expliqué Tom Villa. Pour une fois, c'est là où on voit qu'il y a deux poids deux mesures entre les invités. Hein. Pourquoi ? Parce que là, cette promo, vous la tenez bien, vous connaissez bien le spectacle, vous connaissez évidemment bien Kian, ce qui n'est pas toujours le cas de nos invités. Ni même comment il va faire avec Marthe Villalonga. Mais en effet, est-ce que quand on dit le mec de Bref, finalement, c'est une marque, ça doit peut-être par moment vous embêter, mais c'est une formidable reconnaissance public, et d'ailleurs vous l'assumez totalement, ouais, y compris avec ce final incroyable qu'il y a sur scène, parce que vous avez inventé un genre dans la projection, dans la mise en scène, dans la scénographie. C'est extrêmement risqué parce que vous résumez votre propre spectacle en faisant juste le spectacle en bref à la fin, mais c'est une perle rare, c'est un vrai savoir-faire d'ailleurs. Mais d'où vient ce savoir-faire avant de parler du spectacle? Mais juste demander, Nagui, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser le terme projection quand on connaît les thèmes du spectacle? Est-ce que c'est une idée d'un monteur, d'un réalisateur? C'est uniquement la vôtre? C'est une idée d'auteur? Parce qu'il faut passer aussi de l'écriture à l'image. Ouais, mais en fait, j'ai toujours. C'est ma philosophie d'écriture, c'est que j'essaie toujours faire un truc que je sais pas faire ou que j'ai jamais fait. Et du coup, bah, je me lasse vite des choses que j'ai déjà faites. Bon, ça j'ai déjà fait. Et j'essaie toujours passer à un niveau supérieur. Là, pour le numéro surprise de fin, c'est quelque chose que j'ai envie déjà remercier les gens d'être venus et de les surprendre surtout. Mais quand une idée vous vient à l'esprit et que vous dites je vais faire ça parce que personne ne l'a jamais faite, cette idée, vous vous dites pas si ça n'a pas été fait, c'est peut-être parce que c'est pas une bonne idée. Bah justement, je trouve que c'est peut-être ça, mais j'aime bien m'entourer, je discute avec énormément de gens, je suis vachement à l'affût de ce qui se passe dans les nouvelles technologies, sur les projections, les lumières, sur la scène. Je passe énormément de temps et dès que j'ai une idée, je fais voilà, je connais la bonne personne parce que en amont, j'ai rencontré les gens qu'il faut. La force en tout cas, Leïla, c'est que ce spectacle n'est pas que un mec debout avec un micro qui dit hier avec ma femme. Justement, voilà, il n'y a pas d'accroche avec le quotidien. Plus travaillé que ça. Je trouve agréable parce que souvent, dans beaucoup de spectacles d'humoristes, c'est des situations du quotidien alors, qui peuvent donner lieu à rire, à sourire. Là, on est en immersion en fait dans. Non, mais parce qu'il parle beaucoup de masturbation, c'est un peu le quotidien de Tom Villa, donc c'est pour ça que ce n'est pas ton quotidien. Mais c'est pas mon quotidien en tout cas. Mais là, on est plutôt dans un spectacle qui renvoie à vous, à vos interrogations d'individus, et pas en projection avec l'extérieur. Mm-hmm. Et ça, c'est pas commun comme façon de procéder. J'essaye juste d'être fidèle à ce que je ressens, à ce que je fais. En fait, j'ai vite constaté pendant des années, même depuis que je suis gamin, on m'a souvent fait ressentir que j'étais pas normal parce que j'avais peur ou parce que à l'intérieur de moi j'avais des sentiments. J'exprimais souvent le fait d'avoir peur le lundi matin à l'école, de dire ouais, je me sens pas bien. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde avait ce sentiment-là, mais on n'osait pas trop l'exprimer. Il y a souvent une contradiction à l'intérieur et à l'extérieur. Le personnage social est super fort. Et j'ai grandi avec un vrai décalage. J'ai cherché longtemps à être normal, en fait. J'ai même vu un psy, enfin, j'ai vu plein de choses. Ouais. J'ai vraiment fait un gros parcours, une grosse recherche intérieure, pardon. Et quand j'ai fait ma série Bref, j'ai parlé de tellement de choses intimes, mais beaucoup de gens m'ont dit « Ah bah ouais, moi aussi !» Je me suis dit « Mais en fait, mais Tout le monde joue au même jeu. Depuis le début. Faut me rembourser. Bah ouais, carrément. Merde. Et du coup, c'est cette quête de normalité. Pourquoi on se l'est pas dit plus tôt? Venez, on se dit les choses plus tôt. On se dit les choses comme on les assume. Tom disait, ouais, je parle de la masturbation, mais c'est une sorte de tabou. Non, mais bien sûr, j'en parle vraiment 3 minutes en plus, mais vraiment, c'est le côté genre. Le temps d'eux. On n'en parle pas dans le couple, parce que c'est. Surtout dans nos premiers couples, en fait. C'est les premiers couples de 20 à 30 ans, nos premiers couples, on n'en parle pas, parce que c'est culpabilisant. Mais non, en fait, faut en parler, en fait. C'est le meilleur moyen de créer des distorsions entre les gens. Et avec mon spectacle, je suis allé encore plus loin. Donc, je parle des pulsions, je parle de l'amour, je parle justement de la bouffe, comment gérer la pulsion de bouffe. C'est ça. C'est des méthodes marrantes, parce que, j'essaie de voir les choses de manière marrante, mais c'est surtout vraiment. C'est un constat, c'est une sorte de vrai bilan de cette contradiction qu'on a en nous. Et il y a aussi une entrée forte dans votre vie personnelle, familiale. Et les parents ont une place de choix. Ah oui, énormément. Bah oui, carrément. Je rends énormément hommage à mon père qui est parti maintenant. Mais si aujourd'hui je suis un mec marrant, c'est parce que je suis le fils d'un mec marrant. Donc mais ça, c'est aussi se mettre à nu. C'est quand même très, très intime de raconter ça. C'est encore un autre chemin que celui de c'est bref. Très c'est très émouvant. C'est très émouvant, bien sûr. Bah merci. Mais c'est juste. J'essaie de trouver de la comédie là où. Je pense que dès qu'il y a une situation un peu dure, un peu compliquée, forcément, c'est un bon terreau pour la comédie. Mmh. Et vous parliez de thèmes. J'ai mis 3 ans à chercher vraiment l'originalité de mes thèmes parce que je voulais vraiment arriver à quelque chose de nouveau et de travailler avec des thèmes comme la vengeance aussi, la haine, tout ce qui est un peu sale, justement, tout ce qu'on n'ose pas dire et tout, et de refaire un moment assez marrant, en fait. Et du coup, c'est hyper créatif. Oui, c'est très marrant. Et pour moi, sincèrement, vous dites que je me sens bien. Je me sens, depuis que je joue ce spectacle, je me sens vraiment encore mieux dans ma vie. Et ça va bien. Ça se sent, en tout cas. J'ai l'impression que vous rajeunissez. Non, il y a encore du boulot. Pour les oiseaux, j'ai quand même 60 piges. Hein, oui, peut-être, mais ça dépend. Tout est une question de point de vue en même temps, on est d'accord. Non, mais c'est une question de perception des choses et le fait de tous les mauvais souvenirs que j'ai eus ces 10-15 dernières années, je les ai transformés en moments marrants et je passe un super moment avec les gens encore hier soir sur scène. C'était vraiment, ça m'a fait du bien. Eh ben, ça me transforme les mauvais souvenirs en bons souvenirs. Et du coup, ça aide à avancer. Et en plus, il gagne du fric. En tout cas, le titre est extrêmement bien choisi parce qu'on peut tout résumer, notre vie, en tout cas, aux pulsions, au fait justement de ce qui nous pousse à faire ce pas, ce geste, à dire cette phrase. Mais quel est votre garde-fou? Quelle est la limite que vous fixez dans vos écrits, dans votre jeu, votre mise en scène, la manière avec laquelle vous interpellez aussi les gens du public? Il n'y a pas un moment où vous dites non, ça, j'y vais pas. Ah non, j'ai aucun en cas d'abou, justement, plus c'est tabou, plus ça me plaît. Je me dis, il faut trouver la comédie. Je pense qu'on peut vraiment parler de tout en tant que comique, en tant qu'acteur, en tant que tout. Juste, il faut trouver l'axe parfait et l'axe original, surtout. Et ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai beaucoup rodé mon spectacle en province. Tom l'a vu, dans les petites salles de spectacle à Paris où je viens 5-10 minutes. Mais il faut travailler. Alors, justement, c'est vrai que les exercices de chronique des chroniqueurs sont très durs parce qu'ils n'ont généralement pas testé leurs blagues et c'est souvent très périlleux. Moi, j'ai testé pendant 1 an mes blagues et je sais. Ah bah, nous, ils viennent les tester ici et puis après, ils voient si les gardes ou pas. C'est un bon filon. C'est juste ça la différence. Est-ce que vous êtes posé la question de remonter ou pas sur scène après être devenu un homme d'image et de montage et de comédien? On pense à Bérangère Kiev, on pense aussi à Baptiste Caplin, enfin toute cette bande que vous avez initiée et qui ont grandi aussi et qui volent de leurs propres ailes aujourd'hui et qui sont restés proches. Ah ouais, j'ai l'impression proche. Il y a toujours. On était à Montréal ensemble cet été en tournée, c'était cool. Voilà, et je voudrais ne pas oublier Navo aussi qui est votre co-auteur. Et qui fait toujours la première partie Moins souvent sur la prochaine session, mais en tout cas, il sera là toujours. D'accord. Ouais. Et donc, est-ce que vous vous êtes posé la question de continuer d'aller sur scène ou de consacrer votre énergie, votre travail, que ce soit à une nouvelle série télé, soit à un long métrage qui est peut-être votre prochain rêve? Je me suis clairement posé la question. Et après ma série, j'étais un peu séché. J'avais vraiment donné beaucoup, beaucoup d'idées. C'est énormément d'idées. Ces 82 épisodes m'ont pris énormément tous mes carnets. J'ai vidé toutes mes idées. J'ai pris le temps de vivre avec ma famille. J'avais des impératifs familiaux, justement, de deuil, de choses comme ça. C'est, voilà, on peut pas aller à l'encontre du temps qui passe. Et puis, à un moment donné, les idées sont revenues. Et puis, j'ai lancé Bloqué avec mes potes, Orelsan et Gringe et Navo, encore sur Canal+. Grosse envie de long métrage. Grosse envie de repasser à la réalisation et devant la caméra. J'ai participé à pas mal de films, mais... Oui, je voulais monter sur scène avec un truc, mais voilà, un truc qui était moi. Et je suis très content parce que quand les gens sortent de scène, quand je dis au revoir aux gens à la fin du spectacle, ils me disent « Ah cool, on était venu le mec de Bref, maintenant on connaît Kian ». Et je trouve que c'était mon... C'est le résultat, en tout cas. Ça commence demain au Théâtre de l'Urbain. Il faut absolument que vous y alliez. Et puis moi, je vais me faire un plaisir d'y retourner. Leïla, vous avez eu les oreilles qui ont sifflé quand vous avez dit que Kian, quand j'en dis, était notre invité. Et oui, forcément, immédiatement. Kian, j'ai entendu votre marque de fabrique, on l'a évoqué, votre débit dans Bref. Et je trouve que ça passe bien aussi à la radio. Bref, maintenant que j'étais seul, je voulais revoir la serveuse avec qui j'avais couché récemment. J'ai donc dû envoyer un texto. Au début, j'ai écrit « Hey, tu voudrais pas qu'on se voit ?» J'allais appuyer sur « Envoyer », mais je me suis rendu compte que j'avais pas précisé quand. J'ai écrit « Ce soir », mais ça faisait trop mort de faim. J'ai mis « Demain soir », mais je voulais l'avoir ce soir parce que j'étais mort de faim. J'ai remis « Ce soir », mais je me suis dit qu'il fallait faire genre j'étais occupé. Alors j'ai ajouté « J'ai un truc qui s'est annulé ce soir ». Après, je me suis demandé si c'était annulé avec deux N, annulé avec un seul N, annulé avec deux N et deux L, ou annulé avec un seul N et un seul L. Alors j'ai mis « J'ai un truc qui est tombé à l'eau ce soir ». Kayron m'a envoyé un texto. J'ai un plan, on va draguer des meufs aux alcooliques anonymes. J'ai pas répondu. Je suis retourné à mon texto. En y réfléchissant, je me suis dit que hey, c'était un peu pourri. J'ai cherché autre chose. Ça marche très très bien cette narration à la radio. Je la monte à l'oreille. En fait, je regardais pas, je l'écoutais et je le montais à l'oreille. C'est pour ça. Mais c'est le secret de tous les professionnels de la télévision. Un montage se fait d'abord à l'oreille. Ah bon ? La première fois de ma vie que je suis rentré dans une salle de montage, Gérard Puccino en était réalisateur. Il était dos aux écrans. J'ai dit qu'est-ce que tu fous dos aux écrans ? Il m'a dit on monte d'abord le son. Et après, on mettra l'image dessus. Et tu m'étonnes qu'il y a des émissions qui ne marchent pas. Parfois, ils oublient de se retourner. Il y a trop ouais, ces émissions-là. Le mec est à poil quand même à l'écran. Ouais, mais c'est quand même au son, ça claque. Les émissions qui ne marchent pas sont ceux qui ont oublié qu'il y avait du son. Quand je pense à vous, Kian, je vous entends aussi pétri de doute face à une mère qui donne envie de prendre vite fait le large. Tu trouves qu'elle est bien ma vie, maman ? Que j'ai l'air épanoui, heureux ? Heureux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On dirait un magazine féminin à la con. Ma vie est palpitante. Elle, c'est Anémone, votre mère, dans Rosalie Bloom de Julien Rapneau, un film qui ne ressemble à aucun autre. On vous avait reçu à cette occasion, un film qu'on a beaucoup aimé. Et moi, j'ai découvert aussi que je ne voyais pas seulement en vous le mec de Bref. C'était pas gagné pour moi, initialement. Et que je voyais vraiment un comédien. C'était un très très beau film. Vous avez eu, j'imagine, de beaux retours de ce film. Comment vous avez vécu ce premier rôle, en fait premier rôle. Avec beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. Je voulais vraiment beaucoup préparer le rôle. Et c'était, mais Julien Rapneau a su me mettre en confiance directement. Et puis la rencontre des acteurs, Noémie Lvovsky, Alice Izaz et puis Anémone, c'était vraiment... Enfin, je me disais, waouh, je suis un peu spectateur un peu de ma vie à ce moment-là. Je fais, waouh, c'est incroyable, je suis sur un tournage là. Ouais. Et du coup, bah, beaucoup de boulot, beaucoup de travail, mais c'était... Je suis super content, il a été super bien reçu. Je reçois encore beaucoup de messages sur Facebook, des gens qui le découvrent, parce que là, il vient de sortir en DVD. Mm-hmm. Et du coup, les gens me disent, ah, je le découvre et tout, ça fait du bien de te voir dans un rôle différent et... Bah, ça me fait avancer. Et vous êtes très touchant en plus dans ce film. Bah, merci. Et ce que l'on sait moins de vous, Kian, c'est que vous écrivez. Vous êtes un salaud. Vous êtes pas payé votre dernier. Un extrait. Allez vous faire foutre tous. T'entendez que vous savez qui je suis. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. C'est pas moi. Ah, c'est parfait, je le garde pour la prochaine fois. Ça me fera un t'imagines. Son. J'aime bien. C'est pas du tout ça. Vous pouvez m'en faire un autre. On peut se faire un petit cartouchier. Moi, j'aime les chips. D'accord, je veux des chips dans ma loge. Voilà, ça vous va, vous. Ok, c'est super. C'est parfait. Le mec qui pète un câble. Ce qu'on sait moins de vous, Kian, c'est que vous écrivez des chansons. La Poste, Télépoche, Damar et Audica, Caisse d'Épargne, Haute-Cologne, France Loisir et France 3, Verters, Sheba, Pampers et Blédina, Jardiland, Interflora, PFG et Kleenex. Alors, c'est Hall de Laf. Ça fait un peu placement produit de beaucoup de marques. C'est drôle. Mais t'as écrit des marques. Et en fait, je rappelle un peu le concept, c'est toute la vie de quelqu'un à travers toutes les marques qu'on utilise. Donc c'est de Pampers jusqu'à Pampers justement. Jusqu'à Pampers, oui, parce que c'est les Kleenex jusqu'au Kleenex. Voilà, c'est Kleenex, ce titre chanté par Hall de Laf, avec un clip aussi qui me fait beaucoup penser visuellement à l'univers de Bref ou de la surprise de fin de spectacle où il y a cet amoncellement d'éléments qui défilent. Ça, c'est un exercice. Exercice nouveau pour vous d'écrire des chansons parce que c'est encore autre chose. Bah, quand vous rencontrez Hall de Laf, vous avez forcément envie de partager des idées avec lui. C'est un mec tellement marrant, il est sensible, il est drôle. Et quand on était en coulisses sur un festival ensemble, et je dis ah putain, j'ai une idée, ça serait trop bien qu'on le fasse ensemble. Et on écrit pendant 3 mois cette chanson. C'est un montage hyper dur à écrire parce qu'il faut que ce soit cohérent avec que des marques. Et c'est un vrai plaisir, surtout. C'est juste une envie de deux gars qui veulent faire un truc et ça s'est retrouvé sur son album. Donc je suis content. Et ça marche. Du coup, bien. Ça fait que j'écris des chansons et ça claque. Et ouais, mais carrément. Ouah, j'écris des chansons, je viens de l'apprendre. Je fais, ah oui, c'est vrai, je fais écrire des chansons. Oui, enfin, on vient d'écouter, on peut pas vraiment appeler ça non plus une chanson. Non, c'est vrai. J'adore Au-delà. J'adore Au-delà. Non, mais elle est très bien. Je l'ai pris dans Taratata Au-delà. Et vraiment, si vous écoutez ce texte-là, au-delà de la succession comme ça de marques, ça rappelle quand même l'univers dans lequel, de consommation dans lequel on est englouti. Et il y a un vrai propos dans ce titre-là. C'est pas simplement. Une juxtaposition de marques. Il y a une intelligence derrière tout ça. Il y a un propos. D'ailleurs, toutes les vannes de Kian que j'en dis, encore une fois, il est à l'Européen et puis en tournée. Ça s'appelle Pulsion en live. Invité dans cette émission, merci d'accueillir LP, messieurs dames, avec le titre Money Water. burn like embers falling tender, long for the days of no surrender years ago. And we'll, you know, so smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, cause I don't know how. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me, are they lost on you? Oh, just that you could cut me loose. Oh, see the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time, and you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, cause it's going down. Take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me, are they lost on you? Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? S'appelle Death Valley sur le titre, sur ce titre, pardon, Lost on You est dessus et la version disque elle est comme ça. Plus produit, I love the acoustic version too. Oh, thank you. Ouais, c'est vraiment bien. On a la voix, your whistle too, everything. Oh, thanks, man. You whistle so good. C'est pas facile de chanter et siffler en mais même non. temps. Mais non. Fait pas en même temps. It's really difficult. Vous donnez des cours. Non, mais elle joue de la guitare, elle siffle, elle chante. C'est extrêmement compliqué. Alors, la carrière de LP. Alors, pour expliquer LP, en anglais, LP, ça se traduit comme un album, tout simplement. C'est un long play, ça se dit LP. Et ce sont les initiales de son vrai prénom et de son vrai nom de famille. Donc, évidemment, la vanne est extrêmement simple, rapide et efficace. Maintenant, dès qu'il y a un album, on saura que c'est LLP. Elle a commencé sa carrière et first you study music when you were in high school. D'abord, étudier la musique. I started studying voice really. I never studied guitar. Oui. I studied opera a bit. Donc elle a plutôt été côté opéra et travaillé sur sa voix que sur la guitare ou sur le solfège. Elle a réalisé des premiers albums dans fin des années 90, début des années 2000. First you recorded several albums mm-hmm. and it didn't went so good. Ça n'a pas vraiment marché extrêmement bien. So how did you manage? What did you do for your living? Writing songs. You know, I started when I've been writing songs for a while. Like it started like about 10 years ago, I got my first like major label deal, and you know, I lived off advances and stuff like this. And donc, elle a eu déjà un premier contrat. Elle vivait de ses avances, et là, elle écrivait des chansons. But when you write songs and when you sing the song with your astonishing voice, and it's not as successful as you wish. I mean, on a commercial point of view, how do you manage that? Quand c'est pas un succès commercial, comment faire pour s'en sortir? Well, that's why I write so many songs. I mean, it's like a constant writing, and you know, when I get songs cut by other artists, I make money from that. And donc c'est comme ça qu'elle a commencé à écrire beaucoup de chansons et surtout à les offrir et à les prêter entre guillemets à d'autres artistes. First of them, maybe was it Cheers? Le premier gros succès qu'elle a eu. That wasn't the first, but yeah, that was definitely a big one. And, voilà. And some of my songs have gotten in commercials and stuff like that. Like... Ça, c'est LP qui a signé cette chanson pour Rihanna. Cheers. Elle a également composé des chansons pour Christina Aguilera à peu près la même année, c'est-à-dire il y a à peu près 6-7 ans. But all those songs were successful. Toutes ces chansons ont eu énormément de succès, donc lui ont rapporté beaucoup d'argent, comme elle nous le précise. When you write songs for other artists and it's successful, do you think it could be me? Or did you write those songs especially for them? Est-ce qu'elle se dit ça aurait pu être moi l'artiste avec le succès, ou elle les avait écrites spécialement sur le jeu? I definitely write them for them. It's not a... sometimes, there's a lot of songs of mine that get cut that if I wanted them, I would keep them. Voilà, donc des chansons qu'elle écrit, si vraiment elle voulait les garder pour elle, et si elles étaient tellement proches ou intimes, elle les aurait gardées pour elle. Là, ces chansons sont écrites sur mesure pour les autres artistes, et elle a aucun regret de ce côté-là. Et puis, il y a eu aussi, comme elle l'a dit, des pubs, commercials. How songs ended in commercials? Do you have a manager for that? I wish I knew. I have a publisher, but you know, il y a son éditeur s'occupe de placer ses chansons. Elle ne sait pas trop comment les publicitaires récupèrent les chansons. I think you always think that when you get one, like a big one, that you're just going to keep getting them. But voilà. Then you're like, that's not the case. Elle croit quand il y a une musique qui est utilisée dans une pub et que c'est un énorme succès, que finalement, ça y est, elle a trouvé le créneau, le filon et qu'on va la rappeler. Mais là, elle découvre que c'est pas forcément le cas. L'une des premières pubs ou de premières chansons qui est devenue une pub... That was a commercial? Yeah. It was like a Citibank commercial. Ça, c'était une pub aux États-Unis, ça n'a pas traversé l'océan. C'est Into the Wild qu'elle va chanter tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. So now, how do you decide to manage your career? Do you want to be an artist by yourself and no more songs for anyone? Or do you do... I think I'll always write both, songs. Both legs. I'll always do both. I think it keeps me well-rounded and in touch. And also, it's like a vacation from yourself. Donc c'est toujours une espèce de vacances qu'elle prend par rapport à sa carrière, d'écrire pour les autres, elle continuera de le faire. Elle est en concert, elle sera le 29 septembre, la semaine prochaine, au Café de la Danse à Paris. C'est complet, bonne nouvelle pour en tout cas le bon goût français. Mais elle pourra revenir en France pour une nouvelle tournée sur son album, il y a également... I love your voice. Thank you. Une voix d'une puissance. Pour un petit bout de show en plus. You're a small girl, you're a small lady. Elle est toute petite, elle est toute fine, toute menue, et elle a une voix qui déchire. Il y a également Death Valley. Et elle revient tout à l'heure dans l'émission, notamment avec une reprise et un nouvel extrait de la carrière de LP, qui est notre invité. Thanks a lot for being our guest, LP. Merci beaucoup. Merci. La bande originale. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Mais si, c'est l'heure, attention. Calmez-vous, attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce qui fait miaou quand on met un doigt dedans? Un chat. Une chalope. Bam. On est loin dans le game du LOL. Là, si l'humour c'était une bite, ce serait une blague sénégalaise. Allez, assez rigolé, parlons littérature. Jingle. La littérature c'est très très bien. Après on peut acheter des livres et les livres c'est important. Parce qu'après on peut faire semblant de lire dans le métro. Comme ça on se fait pas embêter par les roumains sans jambes qui viennent mendier notre argent alors qu'ils pourraient être à Rio gagner des médailles d'or. Mais malheureusement l'accordéon c'est pas une discipline olympique. Alors vous le savez Nagui, hein, pour permettre aux écrivains en herbe de s'exprimer, chaque année c'est la même chose. Des centaines de milliers d'arbres sont arrachés, broyés, réduits en pâte à papier. Certains auront la chance de finir dans mon imprimante pour recevoir les propos guillerets d'une chronique prime sautière et d'autres, au destin tragique, finiront dans la maison d'édition d'Éric Zemmour, tartinés de merde comme une feuille de PQ un lendemain de raclette. Zemmour, il ne peut pas se retenir. Dès qu'il y a une connerie à écrire, paf, il fonce. On dirait que tous les matins, il est un peu plus con que la veille. Un jour, il va se réveiller, il sera Jean-François Copé. Alors, je suis allé sur Internet pour me renseigner sur sa carrière à Zemmour. Les rubriques, c'est immigration, déclaration sur les races humaines, nombre d'étrangers en France, antiféminisme, régime de Vichy, incitation à la haine raciale, provocation à la haine envers les musulmans. C'est pas une fiche Wikipédia, c'est une fin de repas alcoolisée à l'amicale des boulistes de Béziers. Hein. En fait, il ne réfléchit pas Zemmour, c'est juste il vomit parce qu'il est bourré. Oh les Arabes, oh, invasion, non ça je peux conduire, c'est juste islam. Non, le mec il a tapé à iTélé au Figaro, à Valeurs Actuelles, on sait plus si c'est un CV ou un casier judiciaire. J'aurais bien lu tous les chefs d'accusation, mais on risque d'empiéter sur la matinale de demain. Et puis alors, en période de promo pour ses bouquins, il est magique Zemmour, il se lâche, il est excité comme un nazi au salon de la cheminée. La semaine dernière, il disait qu'un prénom français, c'est un prénom catholique. Là, il enchaîne tranquille sur la France colonisée. Triple combo, voile, terrorisme et banlieue. À mon avis, il n'y aura pas grand monde pour sa séance de dédicace à la FNAC de Sarcelles. Zemmour, dans sa tête, c'est Charles Martel. Il se balade partout avec une armure de chevalier. Ah, du coup, il se balade nulle part, vu le poids d'une armure et vu le physique du mec. Hein. Zemmour, quand il met un pull, il fait de la muscu. C'est quand même dommage d'être islamophobe comme ça quand t'es gaulé comme une merguez. Alors, cette année, Zemmour, pour son livre, il s'est pas fait chier. C'est un recueil des chroniques qu'il a fait pour RTL. Il vend ça 23 euros, putain. Et après, il vient traiter les Arabes de voleurs, dis donc. Je vous dis quand même le titre pour que vous n'oubliez pas de pas l'acheter. Ça s'appelle Un quinquennat pour rien. Mais je suis en train d'écrire le tome 2, ça s'appelle 9 mois pour rien, c'est l'histoire tragique de la grossesse de la maman d'Éric Zemmour. Et puisqu'on parle racisme, parlons des Républicains. Alors la grosse déception de la semaine, c'est Nadine Morano. Hein, souvenez-vous, oui, j'avais appelé à la soutenir pour les primaires. Malheureusement, elle n'a pas eu assez de parrainage, elle ne sera pas candidate, c'est dommage. J'attendais avec impatience ses conversations avec Donald Trump au G20. Bonjour Donald, comment va votre oncle Picsou? Elle va nous manquer Nadine, hein. On pense à toi si tu nous écoutes. Et si tu arrives à comprendre ce qu'on dit, bien sûr. Rassurez-vous, on part quand même sur une très belle primaire. Sarkozy, Copé, Fillon, Juppé, Le Maire, Mariton, NKM. Quand on voit la brochette, on a envie de faire un barbecue. Mais attention à celui qui va la bouffer, parce que ça c'est un coup à chier à la prochaine chronique d'Éric Zemmour. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Bien sûr, on embrasse. Allez, vas-y, enchaîne. J'aime bien le regard stupéfait de Kian au départ de la chronique. De Kian. De quoi? Kian, pardon. On peut dire les deux, mais c'est vrai que Kian. En fait, c'est plus les Iraniens qui disent Kian. Ouais. Ouais, c'est mon petit côté. Ton petit côté quoi? Moi, je sais pas. Vite fait. On pourra jamais inviter Zemmour. Il y a une Leïla, il y a un Nagui à table, c'est pas possible. Il y a un Kian qui vient de temps en temps. On peut, je suis que vous sortiez pendant qu'il est là. C'est pas gênant, moi je prends la suite. On va faire un truc, on va pas l'inviter. Ça sera beaucoup plus simple. Kian, revenons à vous, à ces fameuses pulsions. Est-ce que, depuis que vous les avez écrites pour le premier spectacle, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, donc est-ce qu'elles évoluent ces pulsions dans ce spectacle? Autrement dit, est-ce que ceux qui vous ont vu comme nous à la naissance du spectacle il y a quelque chose comme 4 mois si ma mémoire est bonne seront surpris, retrouveront évidemment les fondamentaux? Ce qui est magique avec un spectacle, et Tom et Pierre-Emmanuel pourront le dire, c'est que c'est jamais pareil tous les soirs, quoi. C'est toujours une sorte de magie avec le public. Des fois il y a un mec dans la salle, mais ça c'est pas Mais oui, ça évolue. Dans le sens, c'est encore les mêmes, la même structure, la même écriture, mais chaque fois, on parfait les vannes, on rajoute des nouvelles vannes. Et je suis déjà en train d'écrire des nouvelles choses encore derrière pour encore avoir. Est-ce qu'il y a des moments, des vannes justement, où vous sentez qu'en fonction, je sais pas, soit de l'actualité, soit de du public, de la salle, de la ville, je sais pas, il y en a qui passent mieux, moins bien. Vous êtes surpris par une qui passe extrêmement bien, alors vous vous dites, bon, celle-là, elle a mieux marché ce soir que d'habitude. Enfin, est-ce qu'il y a des surprises ou est-ce que vraiment c'est du papier à musique et que c'est exactement là où vous pensiez que le public réagit ? Il y a des moments où c'est vraiment différent. En fait, il y a des moments où on sait pas du tout comment ça va prendre. Parce que il y a des moments où j'étais en tournée. Il y a eu les attentats du Bataclan et je montais sur scène le lendemain c'est inédit en fait pour un gars. J'étais en tournée donc j'étais pas à Paris. J'avais le droit de jouer. Et en fait, tout ce qu'on dit. Vous avez le droit, mais vous aviez l'envie. Vous avez posé la question. Non, j'avais pas l'envie. Non. J'avais pas l'envie et j'ai eu cette phrase de Churchill qui était très belle que quelqu'un m'a transmise. C'est quelqu'un qui lui a dit bon bah ça y est on a coupé, c'était la guerre, c'était vraiment la guerre à Londres et tout. Et si ça y est on a coupé tous les fonds qui sont réservés à l'art pour les mettre dans le fonds de guerre. Mm-hmm. Et Churchill a dit bah si on fait ça pourquoi on se bat là, pourquoi on se bat maintenant. Mm-hmm. Et ça m'a donné beaucoup de force. Je me dis bah oui c'est vrai ça, il faut continuer à rigoler. Et c'est inédit en fait pour un artiste de dire bon d'être vraiment pas bien toute la journée, de monter. Et chaque blague, quand on parle un peu de la mort, quand on parle un peu des choses comme ça, de si j'étais en vie, s'il me reste 25 secondes à vivre, qu'est-ce que je ferais ? Et du coup, ça devient très drôle parce que je réalise tous mes fantasmes de vie en 25 secondes. Et du coup, tout ça prend un autre sens et résonne. Et en fait, je parle pas de l'actu. Chaque chose en fait. Mais ça transpire. Ouais. Bah, en fait, ça se transpose en tout cas. Et ce que j'avais aimé, c'est que les gens m'ont dit. C'est cool, vous en avez pas parlé. Et du coup, ça crée une sorte de bulle. C'est une sorte de recharge d'iPhone pendant une heure et quart. Tu recharges et après, tu vas affronter BFM. Ou pas. Ou pas, voilà, c'est ça. L'autre solution, c'est ou pas. En musique, il y a la bande originale de Kian Kojandi. Ça commence, pour les dates que nous avons choisies, en 1988, où il écoutait... Mozart. Ouais. Alors là, vous êtes au Conservatoire de musique de Reims. On est en 88. Ouais. Ouais, je viens d'y rentrer. Ma mère est fan de Mozart. Vraiment, elle écoute ça tout le temps, tous les matins. Et un jour, je me réveille un matin, je dis, je vais faire de la musique. Et du coup, pourquoi de l'alto, ce qui est super dur. Alors là, dur. C'est une vraie histoire. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que c'était. Et au moment où tout le monde dit, qui veut faire du violon, tout le monde lève la main. Qui veut faire de l'alto ? Personne ne lève la main. Et moi, par esprit de contradiction, à 6 ans, je fais « Bah moi, je vais en faire !» Et je pensais que c'était un instrument avant. Et je suis super content. Et en fait, la prof de solfège me dit « Mais c'est pas possible, en fait. On peut pas ouvrir une classe pour un seul élève. » Et donc, il y a une fille qui a fait du violon qui fait « Bah moi, je veux bien. » Et du coup, parce que je ne savais pas ce que c'était, il y a une personne qui s'est mise à faire de l'alto pendant 15 ans. Une fille, surtout. Émilie Gibert. Wow. Que je salue, qui est prof d'alto aujourd'hui dans la région. C'est incroyable. Juste l'indécision d'un enfant. Et le vrai twist, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai reçu mon alto à la maison, j'ai ouvert, j'ai fait « Oh merde, c'est un instrument à cordes !» Et j'en ai fait 15 ans. Ah oui, ouais, génial. Ouais, mais c'était un super, génial. En fait, c'était un super choix. En 2004, Kian, que j'en écoute. Le Mozart Museum de Muse. Ça, c'est beau ça, ça c'est bien. Bah, j'ai jamais été fan d'un groupe et c'est vraiment le premier groupe où j'étais vraiment ultra fan. Et je suis toujours. Je suis un peu nostalgique aussi des débuts de Muse ici parce que c'est vraiment un truc. Et je fais ma crise d'adolescence. C'est puissant. Là, ils sont trois en fait. Même en live, ils étaient trois. Il y avait batterie, guitare, basse, chant et ça envoyait quoi. C'était vraiment un peu les enfants de Nirvana. Il y a déjà eu Police aussi qui était à trois et qui envoyait du son aussi. Oui, mais c'est les enfants de cette génération en 2000. C'était vraiment les enfants. On est dans une sphère musicale où il y a vraiment beaucoup d'électro maintenant. Beaucoup de trucs, beaucoup de nappes musicales. Et j'ai fait ma crise d'ado à ce moment-là. Enfin, je suis parti à Paris, j'ai dit à mes parents, j'arrête le droit, c'est bon. C'est je ça. Vous arrêtez votre maîtrise de droit, vous intégrez le cours Simon, ouais. C'est la bascule, ouais. Accompagné de musique. On écoute quand même là, encore la puissance de Muse aux secondes. Can you see that I am Là, on voit bien l'ado dans la chambre qui bouge la tête, il fait non, je sors pas, non, j'ai pas encore de maîtrise. De tu l'avais marqué au Tipex sur ton sac ou pas? C'est là, putain, maman, arrête, j'ai 25 ans, laisse-moi tranquille. Vous écoutiez aussi Émilie Simon, mais on est aussi dans les ordinateurs, la musique organique, c'est fort aussi. Elle a vraiment su apporter quelque chose d'extrêmement novateur dans la musique française. Justement, c'était beau, quoi, c'était pur. Ouais, absolument. En 2010, voilà ce qu'écoutait Ken Kojandi. J'adore. Aussi. Jay-Z et Alicia Keys. J'aime d'autant plus que vendredi 30 septembre, donc vendredi en 8 beaucoup, ou en 15. En beaucoup. Oui, en beaucoup. C'est ça. Dans 15, dans 15 jours. Dans 15 jours. Alicia Keys sera dans Taratata. Mais voilà, non. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Je sais pas, c'est la première question que je vais poser. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Le café. Ah oui, elle va chanter quoi? On écoutera un petit bout d'Empire State of Mind, et puis sinon elle va reprendre un titre. En plus de la chenille. En plus d'un titre de Prince, et un nouveau titre de son nouvel album qui n'est pas encore sorti. Je peux venir. Ouais, tu peux venir, c'était au mois de juin qu'on l'a enregistré. Mais viens quand même, hein. Vous avez choisi ce titre avec la bonne vanne en disant s'ils aiment les enchaînements un peu lourds à l'inter, ils vont passer ce titre-là. J'ai pas dit lourd. J'ai dit s'ils aiment les bons enchaînements. Voici le bon enchaînement. Vous êtes aux États-Unis. Ouais, je pars à New York à ce moment-là. Ouais, je pars à New York, je fais du stand-up à New York. Voilà, je casse ma tirelire et je pars et je reviens hyper apaisé. Je me rends compte de la vraie humilité des comiques américains, du travail pendant des années. Moi, je suis là avec mes 50 stand-up et dire ouais, ça marche pas. Et en fait, je me disais, en fait, c'est ça l'humilité, il faut travailler. Et j'ai pris cette décision d'arrêter de vouloir faire des trucs pour réussir. Et bizarrement, beaucoup de choses sont enchaînées juste derrière. C'est un vrai déclic pour moi, New York. En 2015, il écoutait. Elle est magique, cette musique. Elle est magique. Elle est fusée. Ouais. Fait penser à Cassav un peu. Il salit tout, dans l'énergie. Il y a un truc, hein. Tu trouves? Ah. Il est plus sa période Justin Berroir. Pas faux. Les Queen, donc Queen avec Don't Stop Me Now en 2015. Évidemment, c'est absolument pas la date de la chanson, mais pourquoi cette chanson colle pour vous à 2015? C'est la musique que j'ai. En fait, j'ai établi une playlist quand les gens s'installent dans le spectacle. J'ai toute la playlist, c'est un truc que j'ai choisi pendant des années, toutes les musiques qui me faisaient kiffer. Votre BO, quoi. Ouais, c'est ça, la BO de ma vie. Et je termine par Don't Stop Me Now parce que elle est vraiment fédératrice. Et dès qu'on éteint les lumières un peu là-dessus, les gens, ils se mettent à taffer dans les. Enfin, il y a un truc magique avec cette musique. Mais elle est incroyable, cette chanson. Je crois qu'elle pourrait donner la pêche à Mylène Farmer. Mais la BO est très bien, il y a du Stevie Wonder. Ouais, il y a plein de choses. Il y a du Queen. Ah, t'as retenu la musique d'attente, toi? Bah oui, bien sûr. Il y a Lemon Tree de Fools Garden. Vous nous filez votre BO, comme ça on la met sur la page avec du site. Avec grand plaisir. Voilà. Sur le répondeur de l'émission. En 2015, vous jouez dans Nos Futurs de Rémi Besançon. Vous jouez dans Nous Trois ou Rien de Kéron, votre pote. Vous prêtez votre voix à l'un des personnages des dessins animés, des nouveaux héros. Bref, les deux pieds dans le cinéma. Bah, on m'a bien accueilli et ça me fait très plaisir. Ça, hein. Ouais. Vous sentez maintenant que c'est votre, entre guillemets, votre famille, même si c'est pas une vraie famille, dès qu'ils pourront vous tirer dessus, ils le feront, mais est-ce que c'est... Merci, ne ris pas à cette blague, ils vont se tuer déjà. Rassurez-vous, hein, c'est comme nous à la radio ou à la télé, c'est pareil. Mais vous sentez que c'est le nouveau mode d'expression dans lequel vous allez bien vous sentir? J'ai la chance de faire plein de choses, d'alterner la scène et tout, et de participer avec des gens que j'apprécie et dont j'admire le travail, donc... À chaque fois, je suis pas dans une carrière en fait. Je construis des projets avec les projets. Enfin, et après peut-être je me retournerai. Je fais c'est peut-être ça ma carrière. Mais le but c'est vraiment de m'amuser. Rosalie Bloom, Baymax, nouveau héros, Clapiche, tout ça. Et puis bientôt il y a un film. Et bientôt le Palmacho, qui sort début novembre avec mes potes du Palmacho. Très bien. Retour à la musique aussi. Peut-être qu'elle va rentrer dans votre BO aussi. LPI, qui est notre invité. C'est exceptionnel. Non, c'est exceptionnel. Ouais. Les gens qui n'entendent pas, vous allez vous écouter. C'est exceptionnel. Déjà, dès le matin, de sortir un son de voix aussi pur et sifflé comme ça. Enfin, c'est exceptionnel. Elle n'a pas dormi. Elle file la chair de poule. Elle n'a pas dormi. Tout à l'heure, elle a chanté Lost on You. Incroyable. Et dans quelques minutes, elle va nous offrir une reprise des Chainsmokers. Ça s'appelle Don't Let Me Down. Alors, j'avais juste envie que vous écoutiez la version originale avant d'entendre la reprise. Ah, qui est un gros tube dance du moment. et on verra ce qu'elle, on écoutera surtout ce qu'elle en fait de cette version, mais en acoustique. Mais en attendant, puisqu'on parle de Pulsion avec Kian Kojandi, Daniel Morin, oui, est-ce qu'il est indispensable, on est d'accord, il est indispensable de lutter contre nos pulsions? Ah oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais vous êtes dopé ou quoi? Cette question est géniale, monsieur Guy. Ah, oh, quel à propos une fois encore. Seul petit bémol, si vous permettez, ce n'est pas la bonne question. Non, la bonne question dans l'affaire qui nous occupe est pourquoi est-il indispensable de laisser plus de place à nos pulsions? Je vous rappelle que nous sommes en période de crise économique grave et profonde, monsieur Guy. Le pouvoir d'achat des Français est famélique. Fini la période des vaches grasses où sur un coup de tête, on pouvait s'offrir une nouvelle télé afin de mieux voir, n'oubliez pas les paroles. Merci. Dont l'exercice consiste à s'égosiller la voix et la mémoire à l'occasion d'épreuves à mi-chemin entre le karaoké et l'exercice de résistance à Alzheimer. Merci. Fini tout ça. Terminé. Aujourd'hui, que nous reste-t-il pour égayer notre quotidien, pour nous sortir de l'ennui sans trop dépenser? Eh bien, il nous reste nos pulsions, monsieur Guy. Oui, nos pulsions pour, de temps en temps, donner du frisson à nos vies. Et vous voudriez qu'on lutte contre elles. Ah oui ? Salopards, fumiers, castrateurs, douaniers ! Nos pulsions sont là, faisons-les exister, donnons-leur la place qu'elles méritent dans nos vies, donnons-leur un nouvel élan, une nouvelle dimension. Vous avez des pulsions salaces? Allez-y, faites-vous plaisir, je suis sûr qu'il y a un castorama pas loin de chez vous. Vous avez des pulsions meurtrières? Allez-y, faites-vous plaisir, je suis sûr qu'il y a quelqu'un de détestable pas loin de chez vous. Oui, vautrez-vous dans vos pulsions, plongez au cœur de vos irrépressibles vices. C'est mal, mais c'est tellement bon, comme beaucoup de choses, ma foi. Du coup, monsieur Guy, vous m'envoyez désolé, mais je constate une fois encore que vous avez dit n'importe quoi. Merci Daniel Morin. La bande originale, Lady, sur France Inter. Elle s'appelle LP, elle chante et elle a son album avec Lost on You. Sur ce même album, il y a Muddy Waters. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? On sent qu'il y a du vécu dans la voix. Tout n'a pas dû être simple dans sa vie. Elle est chargée d'émotions et de sensibilité. Ça sent l'angine. Et elle nous offre, non, elle nous offre une reprise, celle de Don't Let Me Down, LP, en live dans la bande originale. Definitely prefer your version. Je préfère sans aucun doute, sans discussion, la version faite par LP de Don't Let Me Down. LP, son titre à elle, tout aussi émotionnel, est Lost on You. Le concert le 29 septembre est complet, mais au vu du succès... Non, mais c'est déjà une bonne information, mais... Bonne nouvelle. Oh, c'est le 29 septembre, j'ai dit quoi? Le 20? Non, c'est le 29, c'est ça. Il de toute façon, c'est complet, donc de toute façon... Ah, c'est le 20, d'accord. Le 20. C'est le 20. Ouais, sur ma feuille, il y a marqué 29, c'est pas grave. Le 20, donc au Café de la Danse, c'est complet, de toute façon... Voilà. Mais rassurez-vous, si vous avez vos tickets le 20, c'est la bonne date. Ah oui, pas dire, c'est, 29, c'est ça. Si vous avez ticket pour le 20, allez-y le 29. C'est Nagui qui l'a dit. Vu l'accueil autour de cette table et Kian, on s'est regardé avec Kian, il se passe vraiment quelque chose. C'est une artiste exceptionnelle, incroyable. Moi, j'ai hâte d'aller l'applaudir sur scène et de continuer de la découvrir et de ne pas la perdre de vue surtout. Elle revient tout à l'heure pour nous chanter un nouveau titre. LP, on a le plaisir d'avoir Kian Kojandi qui reprend Pulsion, son spectacle à partir de demain et ensuite en tournée partout en France jusqu'en tout cas à la fin décembre. Mais c'est de demain jusqu'au 29 octobre au Théâtre de l'Européen. Et ensuite, il y a la province qui vous tend à nouveau les bras. Vous savez déjà ce que vous faites en 2017? Il y a encore des dates qui arrivent, des dates de tournée toujours qui de arrivent. Pulsion. Ouais, de Pulsion. Et puis bah, des nouveaux projets qui arrivent aussi que je suis en train de préparer. Très bien. Je vais commencer toutes mes phrases par « Je n'oublierai jamais », à vous de répondre comme vous l'entendez. Okay. Que ce soit court, long ou bref. Je n'oublierai jamais mon prof de... Mon prof d'alto, Cécile Bolbach, qui m'a fait kiffer. Il a tout, mais kiffé, genre fantasme. Ouais, qui m'a fait kiffer. C'était la seule prof qui avait compris que j'avais pas envie de... J'ai envie de me confier avec cette musique maintenant. Elle a compris que je voulais m'amuser avec de la musique et je voulais pas devenir un bon élève. Et elle m'a dit, on faisait une demi-heure de yoga avant de commencer l'alto. T'as pas bossé? Non. Alors allonge-toi à faire du yoga. C'est cool. Là, c'est fait ça avec les stagiaires aussi. Allonge-toi à faire du yoga. Non, mais rencontre incroyable. Non, mais c'est surtout une intelligence folle parce qu'elle vous a permis finalement, alors que vous n'en avez pas envie, de jouer pendant 15 ans de cet instrument. Moi, je vais juste... Elle vous a donné goût à la musique et c'est plus devenu une obligation, mais au contraire un plaisir. Voilà, c'est ça. Ouais. Intelligente. Je n'oublierai jamais ma devise. C'est une jolie devise. Ouais, je n'oublierai jamais celle-là, ça c'est sûr. Ok, je n'oublierai jamais Ne ramasse jamais les pierres qui t'ont fait tomber. Ça c'est un truc que j'avais vu dans une interview de Jean-Marie Bigard en 90. Ne ramasse jamais les pierres qui t'ont fait tomber. Ouais. Et là concrètement, ça fait quoi? C'est dire pardonne mais n'oublie pas. Je n'oublierai jamais la manie que j'ai de prendre énormément de temps avant de répondre à une question. Je n'oublierai jamais mon intolérance alimentaire. Là, on arrive en plus sur... Le vinaigre. Je n'oublierai jamais l'intolérance au vinaigre. Je n'oublierai jamais mon péché mignon. Cette petite glace à 2h du matin qui fait bien plaisir. Kian Kojandi, notre invité dans la bande originale. Et jusqu'à midi et demi. Le vendredi soir sur France Inter. J'entends les gens qui s'installent. À partir de 21h. Ça s'appelle Full Sentimental. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Cette semaine, deux artistes en live pour un nouveau bain de Full Sentimental. Cocoon, le groupe français de Marc Domail, qui fêtera avec nous la sortie de son troisième album, gorgé de chansons folk lumineuses. Et Juliette Armanet, qui avec son premier EP Cavalier Seul, nous offre sa vision de l'amour sous l'arc divin de Scheller et Sanson. Pour assister à l'enregistrement de l'émission ce mercredi, réservez dès maintenant vos places sur maisondelaradio.fr. Une Yaris hybride? T'as encore été augmenté? Ben non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybride France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Nicole, sociétaire Massif. Aujourd'hui, je fête mes 60 ans et ma forme olympique. C'est un peu grâce à la Massif depuis que je souscris Garantie Santé. Avec le bonus fidélité, j'ai le pouvoir d'être mieux remboursée sur mes soins dentaires et optiques. Comme ça, je profite de la vie. Massif. Essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Voir conditions et limites du contrat sur massif.fr. Le contrat garantie santé proposé par la Massif est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la Mutualité. Vous êtes bien sur France Inter, il est pile midi. Les infos, Lionel Thompson. Et nouvelle arrestation aujourd'hui à Paris d'un jeune de 15 ans qui serait en contact avec le djihadiste français du groupe État islamique Rachid Kassim. Selon l'AFP, qui cite une source proche de l'enquête, ce jeune arrêté dans le 20e arrondissement de la capitale se serait proposé pour commettre une action terroriste. Un autre adolescent arrêté samedi à Paris et le groupe de jeunes femmes arrêtées la semaine dernière sont soupçonnés d'avoir été en contact aussi avec ce même Rachid Kassim. Après la chaleur, attention encore aujourd'hui aux orages. 7 départements du sud-est de la France, l'Aveyron, la Lozère, le Gard, l'Hérault, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont toujours en alerte. Hier, Météo France a relevé près de 70 000 impacts de foudre à travers le pays. Les orages qui ont traversé la France ont provoqué de nombreux dégâts, Fiona Magadem. En cette fin de matinée, ce sont toujours 120 000 foyers qui sont privés d'électricité dans l'Ouest. Il y a beaucoup de petites interventions, selon Enedis, à cause d'arbres tombés sur des lignes électriques. Ça prend donc du temps, mais Enedis espère qu'en fin de journée, le courant sera rétabli chez la plupart des clients. Il y a aussi eu des chutes d'arbres sur des rails, ce qui cause des retards de train. Jusqu'à 3h30 de retard, par exemple, ce matin pour un Nantes-Paris. La Bretagne et les Pays de la Loire sont particulièrement touchés. Mais la SNCF assure que le trafic doit revenir à la normale avant ce midi. La SNCF qui prévient que la circulation des trains pourrait être aussi perturbée dans le sud aujourd'hui à cause de cette nouvelle alerte aux orages et pluies. Une erreur humaine serait à l'origine de l'accident qui a tué un membre d'équipage de l'Harmony of the Seas, le plus gros paquebot du monde, selon les premiers éléments de l'enquête. Alors que le paquebot était en escale à Marseille et effectuait un exercice de sécurité, hier un canot de sauvetage s'est décroché, tuant un marin philippin et blessant 4 autres personnes. Le gérant du Cuba Libre, ce bar de Rouen où un incendie a fait 14 morts au début du mois d'août, et son frère sont en garde à vue depuis hier. C'est l'incendie le plus meurtrier en France depuis 2005. Et les premiers éléments de l'enquête laissaient apparaître que toutes les mesures de sécurité n'ont pas été respectées. Des précisions sur cette garde à vue du patron de bar et de son frère avec Antoine Quevilly. Les deux hommes sont convoqués précisément dans le cadre d'une information judiciaire ouverte dès le 12 août pour homicide involontaire par violation délibérée d'une obligation de sécurité. Car il s'agit bien pour Nasser Boutrif et son frère de s'expliquer sur les circonstances de la soirée mais aussi sur les normes de sécurité au sein du bar. Comment les bougies du gâteau d'anniversaire que l'un des convives transportait ont-elles pu embraser si rapidement les lieux? L'étroitesse de l'escalier qui mène au sous-sol a-t-elle été déterminante? Pourquoi cet escalier mais aussi toute la salle était-il recouvert de dalles inflammables en polystyrène qui servait d'isolant phonique? Enfin, y avait-il ou non une issue accessible? Dès le 5 septembre, Gérard Chemla, l'avocat de plusieurs familles des victimes, affirmait que ces dalles n'étaient pas aux normes et que la porte de secours au sous-sol du bar était fermée à clé pour éviter les resquilleurs, une porte que les victimes auront vainement tenté d'ouvrir. Antoine Quevilly de France Bleu Normandie-Rouen. À Marseille, encore, un patron de bar du Panier a été très grièvement blessé la nuit dernière par un tir d'arme automatique dans le dos. L'homme a été agressé par plusieurs personnes cagoulées dans le quartier des Trois-Lucs alors qu'il rentrait chez lui. Il est hospitalisé dans un état grave. Le procès de Jérôme Cahuzac se poursuivra cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris avec le réquisitoire. L'ancien ministre du budget poursuivi pour fraude fiscale encourt une peine maximum de 7 ans de prison et jusqu'à 1 million d'euros d'amende. Discours sur l'état de l'Union européenne de Jean-Claude Juncker ce matin devant le Parlement européen à Strasbourg. Le président de la Commission européenne propose de doubler le plan d'investissement pour relancer la croissance européenne de 315 à 630 milliards d'euros d'ici 2022. Jean-Claude Juncker a également affirmé que le Brexit ne menaçait pas l'existence de l'Union et indiqué que toute entreprise présente en Europe doit payer des impôts là où elle réalise ses profits. Allusion à l'amende infligée récemment par l'Union européenne au groupe américain Apple. Le Slovène Alexander Seferin est le nouveau président de l'UEFA. Il a été élu ce matin à Athènes par les dirigeants du foot européen et succède à Michel Platini, suspendu 4 ans par la FIFA à cause des affaires de corruption. « Ma conscience est tranquille », a dit Platini dans son discours de départ. Du lundi au vendredi soir sur France Inter. L'heure bleue. À partir de 20h. L'espace des possibles. Laure Adler. Ils sont écrivains, philosophes, architectes, cinéastes, historiens, metteurs en scène. Et chaque soir, ils viendront nous parler de leur passion. L'heure bleue. Ce soir sur France Inter. À partir de 20h. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais. Allô ? Oui, oui, j'arrive dans 10 minutes. Je suis garé un peu loin. Smart for Two. Garez-vous enfin, là où vous allez. Smart for Two, 45 kilowatts pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois, 40 000 km, sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Nobody. Théâtre et performance filmique de Cyril Teste, d'après les textes de Falk Richter. Du 21 septembre au 8 octobre, au Montfort Théâtre. Immergé dans un dispositif cinématographique en temps réel et à vue, le collectif MXM élabore un scénario inédit sur les dérives managériales et la déshumanisation au travail. Retrouvez Nobody dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Nobody au Montfort Théâtre, un spectacle France Inter. Dans le journal de 13h de Bruno Duvic, on parlera de la grève des infirmières aujourd'hui et du problème des migrants avec le démantèlement du camp de Calais. Mais tout de suite, on retrouve Nagui, la deuxième heure de la bande originale. Merci Lena Thompson et vous serez là pardon, toute l'après-midi pour nous informer. À tout à l'heure. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadokoudali. Bonjour à tous. Tom Villa. Bonjour. Daniel Morin. Pierre-Emmanuel Barré. Oui, bonjour. Richard Romac est au clavier. Bonjour. En live, c'est AOP, la chanteuse américaine, guitare, voix, et notre invité, Ken Kojandi. Ken Kojandi avec son spectacle Pulsion, un spectacle que nous avons pratiquement tous vu, en tout cas ceux qui ont un cerveau autour de cette table ont vu ce spectacle. Bon, on m'a pas laissé entrer. Apprécié. C'est marrant, tu savais exactement que je parlais de toi. Ouais. Pulsion reprend donc demain et ce jusqu'au 29 octobre, puis après en tournée tout au long de l'année. Il est extrêmement bien écrit, évidemment, monté, structuré, et d'où l'importance. Comment vous donner le sentiment d'une totale liberté avec « je fais ce que je veux », c'est tout est improvisé, alors que c'est du papier à musique, puisque le réglage des lumières, du son, des déplacements, des changements sont forcément millimétrés. Ah oui, complètement. C'est l'illusion, c'est la fameuse illusion. Mais après, c'est beaucoup de plaisir aussi. C'est le plaisir d'être sur scène avec les gens, c'est ça le truc. C'est beaucoup de travail. Par contre, c'est beaucoup de doutes et beaucoup de bides en amont aussi. Ouais. C'est-à-dire bah, c'est un truc qu'on cache souvent en tant qu'humoriste, mais je mets les pieds dans le plat. Non, c'est juste on balance. Non, c'est juste que quand on écrit un sketch de 5-10 minutes, voilà, Tom, on se croise énormément sur le plateau et tout. Des fois, c'est pas marrant. Et juste, c'est pas marrant parce qu'on n'est pas bien ou parce que le texte n'est pas bon, parce que les blagues sont pas bonnes. Du coup, quand les gens. Ça peut être pas marrant parce que le public n'est pas bon ou c'était pas le bon public. Moi, je mets jamais moment, la faute sur le public. Je me dis toujours, c'est à moi d'aller les chercher, c'est à moi de les convaincre à chaque fois. Quel que soit le public. Ouais. Vous le jouez mal, peut-être il y a des soirs. C'est souvent ça. Parfois, c'est des connards. Hein. À ceux qui viennent te voir, oui. Mais non, il parle de ceux qui viennent le voir lui. C'est souvent aussi le stress de la première fois. Mais si c'est souvent aussi gênant de dire merde, les gens disent ah, il est marrant lui, on l'a vu dans Bref, il est marrant. Puis après, tu fais un bide, ils font. Quand il n'y a pas de montage, tu travailles tes textes. Justement, est-ce que tu trouves que la notoriété tronque le travail? Est-ce que par exemple depuis que t'es connu, les gens rient plus ou mieux? T'as 15-20 secondes où t'as le droit, les gens, ah, t'as une sympathie qui est cool. Mais après, t'as intérêt à avoir des bonnes blagues. Et je l'ai vu de toute façon, quand j'ai repris mon spectacle il y a 3 ans, au début, je travaillais vraiment, j'étais là et mon idée c'était bon, allez, on y va, on bosse les blagues. Maintenant, c'est cool, les blagues marchent, tout fonctionne. Donc, ouais, mais ça passe par un vrai boulot de recherche. Il y a une bienveillance presque de marketing, qu'on connaît votre tête, on connaît votre nom, on connaît votre humour. Donc, déjà, on vient avec cette empathie. Donc, on a fait la démarche de trouver une place, se garer, venir et ainsi de suite. Et puis, de l'autre côté, la barre est encore plus élevée puisque là, il ne faut pas décevoir. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais je pense que tous les humoristes le vivent. Hein. Ça, c'est un truc, voilà. Mais peu importe. Moi, je veux toujours que ce soit connu ou pas, quoi que ce soit. Je veux que ce soit bon. Voilà. En tout cas, c'est très bien Pulsion. C'est extrêmement vrai, proche, autobiographique, mais ça parle à tout le monde, surtout à tous les mecs. Mais c'est vrai que les filles regardent les mecs différemment quand elles sortent du spectacle. Et les mecs regardent différemment Ken en disant c'est malin, maintenant t'as tout balancé. Vous avez dû croiser des couples qui sont encore sur En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de mêmes. Je fais aucune différence dans mon spectacle entre les hommes et les femmes, aucune. Je dis pas, pour moi, c'est la même chose. Non, mais vous révélez beaucoup de choses. Oui, je révèle les choses, mais Les noms d'âge. Je dis ça parce que je suis un homme, moi. Mais les femmes le ressentent aussi, c'est pas, faut pas se cacher des choses en fait, les pulsions sont les pulsions. Et puis on l'a dit aussi, beaucoup d'émotions, parce que tout n'est pas rose dans la vie, mais vous réussissez avec beaucoup d'élégance en tout cas à nous faire partager ces moments d'émotion, ça s'appelle pulsion. On parlait d'élégance avec Kahn Kojandi, on va changer du tout au tout, voici Daniel Moore. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. C'est les impôts qui tombent. Ouais, j'ai l'impression. Allez, on va parler d'amour. Hier, Alain Juppé était en meeting. Meeting pré-primaire à Strasbourg. Le maire de Bordeaux a dénoncé, sans le nommer, Nicolas Sarkozy et ses projets identitaires malheureux. Alain Juppé déclare « Notre identité nationale doit être défendue et je la défendrai. Il veut une identité nationale heureuse. » Il qualifie Nicolas Sarkozy de prophète du malheur et s'oppose, lui, comme prophète du bonheur. Prophète du bonheur. C'est joli. Va-t-il décliner le concept jusqu'au bout? Va-t-on voir un Juppé nouveau, un Juppé zen, un Juppé peace and love, tout au long de la campagne des primaires, voire plus? Vivement qu'on le voit décliner son programme chez Monsieur Pujada. Monsieur Juppé, bonsoir. Bonsoir David. Monsieur Juppé, vous êtes là pour nous parler de votre programme. On vous écoute. Alors au niveau économique, je n'ai pas peur de le dire, mais j'ai carrément une vision du bonheur. Oui, je veux une économie cool et rassurante, basée sur le kiff et la joie. Et en matière de politique internationale, vous n'avez pas peur d'une probable arrivée au pouvoir de Donald Trump? Pas du tout. Donald est un homme tendu, un homme à cran. Mais je suis sûr que je saurais trouver les mots pour qu'il trouve une certaine sérénité, un calme relatif, pour résumer une forme de bonheur. Vous savez, ce qui fait peur à Donald, c'est les Mexicains. Et on peut le comprendre. Ça parle fort, un Mexicain. C'est pas toujours très bien habillé, un Mexicain. Souvent, ça sent fort, un chicanos. Mais si on prend le temps de mieux le connaître autour d'un verre de tequila ou d'un tacos fromage guacamole, on peut trouver un certain charme au tiers-monde et ne plus le considérer comme une menace. Et quand la menace s'emballe, laisse souvent place à... David ? Je ne sais pas. Ah, c'est pourtant simple, il y entre. Ah, capillairement, vous êtes au point, Pujadas, mais pour le reste, vous n'êtes pas très fut-fut. Quand la menace s'emballe, laisse place au bonheur. Monsieur Juppé, d'accord, mais l'emploi... Pour l'emploi, le résoudre. Vous avez une solution? Oui, j'en ai une. Une solution simple que j'ai empruntée au mode de fonctionnement de France Inter. C'est-à-dire, on gagne peu, mais on a le droit d'être payé à rien foutre. Et être payé à rien foutre, c'est le bonheur. Et pour ceux qui voudraient gagner beaucoup sans rien faire, quelle est la solution? Là, je ne sais pas, David. Voyez ça avec Balkany. Alors, pour conclure, M. Juppé, répondez à cette question. Question simple. Eh bien, il est là, Pujadas. Il est là puisque c'est moi. Alors, pas con en tout cas, hein, comme positionnement, le bonheur. Alain Juppé, Christophe Maé, en tout cas, même combat. Alors, juste pour conclure, hein, comme aujourd'hui, c'est la sortie au cinéma de Tollard, le dernier film de Sophie Marceau, j'ai une pensée pour cette comédienne qui, depuis 36 ans, vient calvaire chaque fois qu'elle sort, quand elle va à la boulangerie. Bonjour, monsieur, je voudrais une baguette, s'il vous... Oh, mademoiselle Marceau, je vous ai adoré dans la boum. On se refait la scène, vous permettez? On danse, mais vous n'oubliez pas ma baguette. Chut, laisse-moi kiffer. Quand elle va à la poste. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer un collier à... Oh, mademoiselle Marceau, je vous ai adoré dans la boum. On se refait la scène, vous permettez? Ok, on danse, mais vous n'oubliez pas mon collier. Chut, je kiffe. Quand elle se fait contrôler par les flics. Je suis désolé monsieur l'agent, j'ai oublié. D'habitude je mets toujours ma ceinture, mais là... Oh mademoiselle Marceau, je vous ai adoré dans la boum. On se refait la scène, vous permettez? Ok, on danse, mais on oublie le PV alors. C'est fastidieux, certes, mais beaucoup moins fatigant que le quotidien de Brigitte Lay. À la boulangerie. Non, à la boulangerie, non. Comme à la poste, partout, elle y a droit. Bonjour, je... Oh, mademoiselle Lay, je ouais. Vous ai adoré dans Boum Boum. On se refait la scène, vous permettez? Bon, ok. Mais vous allez prendre une douche. Et si vous croyez que c'est plus facile pour Nagui, qui dans chaque commerce doit organiser un karaoké, vous vous trompez. Qui s'appelle Nagui, la bande originale. Très bon, très bon. Kahn Kojandi, ça s'appelle Pulsion à partir de demain, avec tout un travail. Il faut quand même saluer aussi les équipes autour de vous, parce qu'il ouais. Y a un travail de technique, de son, de lumière, d'image, ouais. De projection. Oui, il y a mon co-auteur déjà, Bruno Muschio, Navo, avec qui j'ai écrit Bref, qui m'a accompagné pendant 2 ans, 3 ans sur toutes les routes pour écrire ce spectacle. Il y a l'équipe de Thierry Suc Productions qui travaille à mes côtés dans l'ombre pour que vraiment je sois en lumière, et surtout Roger Film qui travaille énormément. Alors, est-ce que le théâtre, les planches... L'Européen aussi, l'équipe de l'Européen. Je ne peux pas oublier l'équipe de l'Européen. Est-ce que vous verriez être comédien sur scène en jouant une pièce de théâtre, en jouant un rôle entouré de 3-4 autres comédiens? Grave. On vous le propose? On me l'a proposé quelques fois, mais c'était une question de timing, je pense. Là, j'étais sur mon spectacle. Mais moi, je suis ouvert, dès que c'est amusant, avec plaisir. Il y a une scène qui vous fait rêver. Je me demande toujours pour un humoriste, là, vous jouez à l'Européen. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une adresse où on se dit, il y a 10 ans, on se dit, voilà, un jour, je jouerai là. Et c'est important, comme les musiciens, quand ils font la Cigale, quand que ils font l'Olympia. À Paris ou en province, oui. L'Européen, c'était vraiment un de mes objectifs. Après, il y a des scènes comme le Casino de Paris et l'Olympia. Enfin, après, l'Olympia, je pense que c'est assez mythique, quoi. Ouais. Ça a cette force. Ouais. Et puis c'est très parisien tout ça. Est-ce que j'aimerais jouer? Non, mais il y a un endroit aussi que j'adore jouer. C'est j'ai la chance d'aller à Montréal. Il y a un endroit qui s'appelle tout petit endroit de 80-90 places, s'appelle le Bordel Comedy Club, et c'est le meilleur. Alors attention. Avec le nom. Avant 23h. Sinon, c'est non, c'est tellement les Québécois, ça d'après. Non, mais le Bordel Comedy Club. C'est le meilleur endroit pour un humoriste pour jouer au monde. C'est le meilleur endroit. Il y a les foufounes électriques aussi au Canada. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bar à musique, mais qui s'appelle les foufounes électriques. Vous n'ayant pas le même sens que celui que vous imaginez. Exception. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Bouteille. Kian, je vous sors de la promo. Ouais, ça met la pêche, cette petite musique. Grave. On l'aime bien, hein. Un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître, Kian. Et on commence par un son qui devrait vous rappeler le boulot. La sonnerie fermeture des portes, non, c'est ça ? Vous avez reconnu ? Le métro. C'est le métro, et j'ai lu que le métro, c'était un peu votre bureau. Ouais. C'est l'endroit où on capte pas à Paris, où on capte pas en téléphone, et moi j'ai besoin de pas être diverti pour écrire, et du coup, ligne 9 ou ligne 13, pas ligne 13, parce que ligne 13, on est souvent debout, ouais. On est très serré. Ligne 9, j'écris. Donc vous faites des allers-retours, ligne 9 ? Ouais. Vous faites des sessions. Ouais, vous faites pas emboucaner dans le métro, il y a pas. Ouais, les gens sont cool avec moi. Non mais cool, d'accord, mais ils vous parlent, ils vous sortent de. Ouais, mais c'est toujours intéressant. D'accord. Donc il vous faut un environnement un peu bruyant pour travailler. Je suis vraiment un mauvais élève. Il faut vraiment couper ma Mega Drive, mon internet, tout et tout, sinon je vais faire. Je vais faire des recherches sur Wikipédia. Tiens, on y va. Et donc incapable de vous autodiscipliner en mettant le téléphone en mode avion, en ne touchant pas à l'ordi. Mais qui peut le faire vraiment? Présentez-moi cette personne et expliquez-moi sa méthode. Vraiment, bon, on en reparle après si vous voulez. On continue avec un son régional. Ce sont les Rémois, The Shoes, avec Give It Away, un titre qu'on entend beaucoup sur France Inter. Reims, votre ville de naissance, Kian. Pote de Reims. Et c'est une place forte de la musique, cette ville. Y a incroyable. The Shoes. Ouais. Il y a Jeanne Adède, que j'ai vue à l'Olympia, qui est formidable. Qu'on était au conservatoire ensemble, c'était incroyable. J'ai vu à l'Olympia, j'étais super content pour elle. Il y a vraiment une grosse activité musicale. Il y a Yuxek. Yuxek, très bon. Il y a Brodinski, The Bewitch Hands. Ouais, c'est ça. Starlion. Ouais, Starlion, le rappeur. Ouais. Starlion, pardon. Mmh. Alain, bon. Est-ce que vous êtes un chauvin, justement? Ça vient de Reims, donc vous êtes dans. Je suis super fier. Bah oui, clairement, on est super fier parce qu'on se connaît tous, on s'est tous fréquentés. Starlion, on dansait dans les MJC, on faisait du pop ensemble. On se connaît tous très bien. Et il y a un nouveau groupe qui va arriver qui s'appelle Brothers. Ouais. D'ailleurs, je les ai mis en musique sur mon teaser. C'est hyper prometteur. C'est de la pop rock électro. C'est magnifique. C'est super. Et qu'est-ce que vous écoutez? On a entendu votre bande originale tout à l'heure, qui est superbe. Et là, de façon plus contemporaine, plus récent, est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Oui, je peux vous les montrer. Si ouais. Vous laissez juste le temps. On meuble tout de suite. Je vous laisse le temps parce que je continue en racontant. Allez-y. Vous avez l'oreille absolue parce qu'on a parlé tout à l'heure de votre formation alto et de votre envie de faire de l'alto. Vous avez cette oreille absolue. Je continue. Vous avez trouvé? Je continue à meubler? Non, c'est bon, pardon, je pensais que vous alliez continuer. Est-ce que ça existe, l'oreille absolue? Je sais pas. On peut redéfinir ce que c'est que l'oreille absolue. Mais c'est. Richard? C'est retrouver. tu entends une note et tu es capable de la reproduire. Avec ton oreille? Non. On arrive à identifier la note, en fait. Identifier la note. Tu entends une note, tu la reconnais. Tu sais que c'est un fa. Voilà, c'est comme un langage, en fait. On entend la note. C'est comme une langue étrangère, mais on entend les notes. C'est des musiciens qui sont capables d'écouter un disque, tu arrêtes le disque, non seulement ils te jouent ce qu'ils viennent d'entendre, mais ils vont trouver la logique chromatique pour continuer le morceau. C'est très impressionnant. C'est magique. Mmh. Merci. Alors, vos conseils contemporains? Là, en ce moment, j'écoute Drinking de Jeanne Adède, qui est sur son EP. Pas son album, mais sur son EP, donc avant. Et là, j'ai un gros coup de foot pour All I Want de Caudaline. Je trouve cette musique incroyable, les Sail, A Whole Nation, voilà. Mais Codaline, on retombe dans l'ambiance Muse aussi, dans ce genre de musique. Très très branché musique. High by the Beach de Lana Del Rey aussi, qui était la BO de cet été. Et on finit avec un conseil culture. Je ne sais pas si vous aimez les romans policiers. Là, je vais vous en offrir un. Mais en fait, je vais continuer. Ça, hein. Non, mais vous allez vous y mettre. En fait, vous n'avez pas vraiment le choix. Voilà, c'est comme ça. C'est Le Match de l'Hôtel Royal. C'est un polar de Nahiri Nahapetian. C'est une auteure franco-iranienne qui a réussi à un vrai coup de force dans le monde du polar. C'est toujours placé donc ces polars dans cet univers-là, entre deux. Et elle a des personnages récurrents. Là, c'est l'histoire d'un prestidigitateur qui est retrouvé mort, assassiné, dans un grand hôtel. Et peu avant sa mort, il a reçu deux visites. On l'avait reçu dans cette émission quand on avait parlé ensemble d'un film sur l'Iran et les tapis qui étaient passés sur Arte, qui étaient magnifiques. Personne ne m'aide, je continue. En tout cas, ce mage reçoit la visite de deux personnes, un journaliste persan et une jeune iranienne américaine assez érotique avec des belles cuissardes et elle qui le tue. Et non, et ça on ne sait pas, mais en tout cas personnage fétiche, l'enquêteur fétiche de cet auteur, c'est Florence Nakache, agent de la DGSE qui reprend du service, qui va mener l'enquête, qui va devoir aller à Téhéran pour découvrir la vérité. Et c'est aux éditions Nagui. L'Aube Noire. Éditions Nagui. Merci beaucoup. Merci. C'est le mage. Merci beaucoup. Elle revient en live. LP. Avec cette voix déchirante qui vous donne la chair de poule, et ça sera Into the Wild, le nouveau titre qu'elle nous propose, et qui était celui qui datait de 2010, si ma mémoire est bonne, qui avait servi de musique de pub aux États-Unis. Elle est accompagnée par John David à la guitare. LP en live. Thank you. En concert le 20 septembre au Café d'Avance à Paris. Elle reviendra en France. On va lui donner du succès pour qu'elle revienne en France. LP, c'est deux lettres. LP, les deux initiales de son nom. Thanks a lot, guys. Bravo. Merci mille fois d'être venu dans cette émission. Et c'est vraiment bien. Là, c'était Into the Wild. Et il y a pour l'instant un mini-album de 5 titres sur lequel il y a le fameux Lost on You. Bonne idée de pseudonyme, de prendre ses initiales, de son prénom, son nom de famille, pour faire un pseudo LP. Vous avez bien fait de pas le faire, Ken, quand j'en dis. Ça s'appelle Pulsion, donc c'est à partir... Je l'ai vu arriver, elle a pris la 4, elle est arrivée, elle a pris clignotant. Je l'ai vu, je suis animateur, pas... Le go-face de la blague. On fait une pause, un sandwich, on arrive, on va à l'émission de Nagui. Ok, allez-y, vous pressez pas, on vous voit arriver de loin. Il l'a écrite avant-hier. Bonjour, c'est Lavan. Voici la cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courtes. C'est parti pour Leïla. Ken, le film que vous avez regardé en boucle. L'Auberge espagnole. Daniel Morin. Yann, vous avez l'oreille absolue, mais est-ce que vous avez la narine totale comme Bec Bédé? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Bah, il prend la coke. Vous voulez savoir si je prends de la coke? Oui. Non. Non? Pierre-Maël Barré. Oui, Kian, vous êtes né le même jour que Michael Jackson et Fleur Pellerin. Laquelle des deux disparitions vous a le plus affecté? MJ. Non. Tom Villa. Kian, si tu dois choisir entre n'avoir jamais fait bref ou n'avoir jamais connu la masturbation? Écoute, c'est vraiment cornélien. Leïla. Est-ce que vous êtes déjà allé en Iran sur les traces de votre famille paternelle? Ouais, c'est magnifique, allez-y, c'est mortel. C'est génial. Ouais, mortel, vous faire. Non, mais c'est mortel, c'est incroyable. Allez, en Syrie, c'est mortel. Les gens, la générosité des gens, l'ouverture, le paysage culturel, c'est magnifique à voir, c'est magnifique à vivre. C'est arrêté. J'ai vu des régions de l'Iran qui sont complètement arrêtées dans le temps, c'est incroyable. Daniel Morin. Est-ce que vous avez l'œil ultime comme Jean-Marie Le Pen? Pierre-Emmanuel Barré. J'en avais qu'une. Est-ce que vous conseilleriez votre banque à un ami? Tom Villa, ta série du moment que tu surkiffes? Là, je viens de terminer Narcos, c'était pas mal. Ah, la saison 2? Ouais. Daniel Morin. Est-ce que comme Rocco Siffredi, vous avez le Non. Leïla. Un humoriste que vous soutenez, un jeune humoriste que vous avez découvert récemment? Il y en a plein. Il y a Adrien Arnoux qui est vraiment drôle, qui arrive avec des nouvelles choses et tout. Blanche Gardin aussi, exceptionnelle, qui est vraiment, je pense, l'équivalent de Louis C.K. en France. Après Yacine Bellou, ça découvre aussi. Vous étiez à l'Olympia, là où tout le monde devait y être. J'ai pris la masterclass exactement comme tous les humains. Et il a commencé son spectacle assis dans la salle en faisant membre du public. Ah ouais, ouais, il était ça. Peut-être pour la deuxième, j'étais pas là pour la première. C'était Louis C.K. c'est ça? Ouais, Louis C.K. absolument incroyable. Incroyable. Et Blanche Gardin, Yacine Bellou aussi, vraiment des gens qui ont... Daniel, des excuses à présenter. Oui, désolé pour notre directrice Laurence Bloch qui, ce matin, s'est fait piquer son style capillaire, pourtant quasiment unique, par notre chanteuse LP. Pour que vous rendiez mieux compte, on va mettre les deux photos en parallèle sur le site de l'émission. Désolé pour Éric Zemmour qui a été injuste... Non, je déconne. Désolé pour Kian Kojandi, Jean d'Arc ou Cyril Hanouna. Eh oui, selon Leïla, ça se prononce comme ça. Merci Daniel. Demain, c'est Christiane Arialy qui sera notre invité. Et après-demain, Marion Cotillard et Léa Seydoux. Merci Kian Kojandi. Merci infiniment merci à vous. Beaucoup. Merci Pulsion étant spectacle libre. Allez-y. C'est vraiment, vous en sortirez grandi. Ouais, c'est vraiment bien. Philippe Bertrand et ses carnets de campagne. Yes. Bonjour Philippe. Salut Nagui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Philippe. Bonjour Leïla. J'entends juste derrière, j'ai jamais le temps de dire bonjour. Mais oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé tous les deux. Moi aussi. Et si j'ai compris, LP a fait un EP? C'est exactement. Ouais. Et elle s'habille chez Christian Dior pour avoir un CD. D'accord. Comme ça, on a tout fait. Bon, je vais être bref aujourd'hui, pas de commentaires. Puis de toute façon, on s'en fout tout ce que j'en dis. Elle était juste derrière sur la 4, celle-là. Elle était juste derrière. Mais tu la voyais de moins loin, quand même. Bon, Philippe, on ira ensemble prendre un verre parce que je pense que les autres, ils sont pas avec nous. Vous venez de rencontrer la voiture balai de la blague. C'est méchant. Celle qui est juste derrière. Salut, Philippe, moi je t'aime. Bonne émission, Philippe. Salut. Les amis. Salut. Aujourd'hui, l'info s'écoute. L'info se regarde. L'info se suit. L'info se commente. L'info se partage. L'info, c'est France Info. Aujourd'hui, France Info, c'est une radio, une application, le site franceinfo.fr et une chaîne de télé sur le canal 27 de la TNT. France Info. Deux points, ouvrez l'info. France 2, tous les après-midi, du lundi au vendredi, on se fait du bien, on crée du lien. Avec Frédéric Lopez, Stéphane Bern, Amanda Scott, Thomas Touroud et Nagui, du lundi au vendredi, dès 14h, l'après-midi, c'est encore et toujours mieux sur France 2. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Aujourd'hui, nous nous éloignons provisoirement de notre département de la semaine, la Dordogne, pour ouvrir une parenthèse sur la situation de l'agriculture biologique en France. À quelques jours d'une semaine nationale d'événements et de rendez-vous avec les producteurs bio près de chez vous, nous accueillons Stéphanie Pageot, présidente de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Ce secteur en pleine croissance.